Ah, c'est fou la roulade. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitbé nous raconte l'histoire de Serge Gainsbourg dans Phénomène. Et on fait tirer un ensemble de bonbons d'une valeur de 50$. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en temps direct des studios de C'est quoi à Trois-Rivières en ce jeudi 3 mars. Bonjour! Bonjour, bon matin! All right! Ça va être culturel, ça va être... Donc, bienvenue, moi c'est Mathieu Plante. Mathieu Plante qui est, soit dit en passant, très en forme comme vous l'avez pu remarquer. Oui, c'est bon pour les oreilles, de la bonne humeur comme ça. Ouais. Toi, t'es de bonne humeur? Ah oui, c'est aussi, oui. François-Olivier Marchand. Merci, Mathieu Plante. Oui. Aujourd'hui, à l'émission, François, on a Simon Fitzbé qui commence une qui série. Ça? Simon Fitzbé. OK. Fitzbay dans le Fitzday. C'est ça, le Fitzday. Mais en fait, on en jasait, Simon et moi, et puis il y a pas mal autant de Mathieu Plante que de Simon Fitzbé dans cette journée-là, ça. C'est vrai. Donc, c'est le... Je dirais même plus qu'il y a plus de Mathieu Plante. Je pense qu'il y a beaucoup plus de Mathieu Plante. En fait, la proportion et le ratio, si on veut, là, est élevé pour moi. Donc, on devrait rebaptiser ça, le Mathieu. Ah, mais ça avait été mardi ou mercredi, ça aurait fité, hein? Genre Mathieu-redi ou mercredi-dit. Dit, évidemment, ouais. c'est sûr. Ouais, ça marche pas aussi bien que Simon Fitzbé. Ouais. Ah, bon. Ben, côté marketing, t'es bon là-dedans, trouve-moi un nom pour cette journée-là. Donc, Simon Fitzbé qui est de retour avec une nouvelle série sur... en fait, c'est toujours la même chronique Phénomène, mais une nouvelle série sur Serge Gainsbourg. Okay. Deux chroniques, première aujourd'hui. Deuxième jeudi prochain. Cool! Ça, c'est vers les 8 heures. Tu vas nous raconter l'histoire de M. Gainsbourg. Oui! Cet homme! Cet homme! Mythe! On n'a pas de François Landry aujourd'hui. Non! Cette valeur, c'est vraiment plat. On l'a égaré tel, des parents dans un centre d'achat. On l'a perdu pour la semaine de relâche. C'est ça. Il est dans la section des brassières. en arrière d'un rack, en tout cas. Il est perdu quelque part dans le magasin. On verra s'il va retrouver son chemin. Bon, peut-être. La semaine prochaine, bien sûr. Sinon, on a un concours encore une fois aujourd'hui. Oui, tout à fait, comme hier et avant-hier. On a un ensemble cadeau de bonbons à faire tirer tout ça. Une présentation de Allen Candy. Des bonbons, là, Allen. Ça, c'est quoi? Les Bigfoot? Les Bigfoot, c'est exactement ça, Mathieu Plante. Mais ils en font plein des bonbons à Allen Candy Company. Oh, ouais. Ah oui. Ah, j'étais sur leur site tantôt, je visionnais des produits... D'accord. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais d'ailleurs, si vous gagnez l'ensemble cadeau, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Ouais. Est-ce que tu as vu les petites framboises, OK? Tu sais, les petites framboises comme des machines, mais en de qualité, tu sais, genre. Parce que c'est une vraie compagnie de bonbons qui est faite. Ils n'ont pas une compagnie de machines à bonbons, hein. Couvertes de chocolat. Oh, oui. Miam. Y a-tu ça dans les ensembles cadeaux? En tout cas, dans le site web de Allen Candy, il y a ça. Oh, ouais. Ah, donc, peut-être. Peut-être. On sait pas. Okay. Ça pourrait être ça. Les Dops? Les Dops. Ça a l'air bon, je dis ça de même. Ouais, ouais, moi, ouais, en tout ouais. cas, si je reçois un paquet cadeau, mettons, je gagnerai un concours, mettons pas ici, parce que les employés, ils peuvent pas gagner, c'est ça. Mais je me dirais, crime, maintenant, je suis un fan de Allen Candy Company. J'irai sur Facebook, j'irai liker Allen Candy Company, et ensuite, j'irai au magasin chercher des Dops. Fait que. Mais des Dops, ça doit être rare, parce que j'en ai pas vu. Moi non plus. Ça crée de la demande, ça alors. Ça crée de la demande, ouais, tout à fait. Et voilà. Au Québec, on est en retard des fois. Ouais. Ce sera tout à l'heure ou plus tard dans l'émission. Évidemment, on fait durer le plaisir un peu comme un bonbon à Alan qui dure très longtemps dans la bouche. Ouais. Vous allez être obligé de nous écouter. Ça, c'est un petit peu moins agréable dans la bouche. Ah, mais ça vient avec. Hein? C'est ça, faut faire avec. On va commencer l'émission avec Mother Mother sur leur nouvel album Eureka, nouvelle entrée du palmarès anglophone qui va être diffusée pour la première fois. En fait, deuxième parce que là, on la joue en exclusivité ce matin. Yeah! Ça va être cet après-midi vers les 14h. Mais pour l'instant, les voici avec Chasing It Down au 89.1 FM. C'est fou. Mother Mother que t'aimes bien. J'adore Mother Mother. Ça s'appelle Oh My Heart. My Heart. La chanson était pas pire. Ça, c'était moins bon. Hi. Je parlais comme si j'avais une framboise au chocolat dans la bouche. A real change without your consent, without your okay. It happened again. I woke up today and everything changed. All my friends and all my family suddenly don't understand me. Understand I'm not the man they think I am. Try chasing it down, try chasing it down. It's up in flames, it's up for sale. It doesn't matter anyhow. Like anything that tasted sweet, it only tasted way about a week before. At best, no bittersweet. Try chasing it down, try chasing it down, try chasing it down. You don't wanna be found. Try chasing it down, try chasing it down, try chasing it down. When I feel like dancing, I'll dance with you. Two flat quarters lead me close to you. And as the days stumble by, I look to crumble. And in the times when it all seems so still, I'll be with you when the going gets going. Olin Fang et Laughing. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. On écoutait ça assez régulièrement il y a quelques temps. Et là, à un moment donné, hein, passe à autre chose. Bon petit groupe, Olin Fang. Oui. Très gentil et canadien. Et canadien. Même québécois, si je me rappelle bien. Québécois? Il me semble bien. Ah ouais? Il me semble. Tu me surprends. Mais je pense, ben, en fait, je me surprends moi-même en disant, je ne suis pas sûr du tout. Mais bon. Mais peut-être pas. En tout cas, enregistré à Toronto. Donc, bon. Prochain. Proche, c'est vraiment proche, on peut y aller en voiture. C'est dans l'est du Canada. Bon. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. T'allais me dire quelque chose? Hein? Hein? Non. Je sais pas. T'allais pas me dire des petits mots? Hein? Mots d'amour? Ouais. Ouais, mais. Comme... Tu veux que je te dise ça micro ouvert? Ouais. Ça peut être gênant. Ouais, mais là, retiens-toi un peu. Ouais. Vas-y avec tes premiers mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi. T'es-tu rasé? Non. Non? Non. Ah. Ouais. Je le fais pas assez souvent, hein. Une fois par semaine, moi, c'est dimanche. Ah ouais, c'est le jour du Seigneur. C'est donc, ça. T'en profites, tu soulignes ça à ta façon. C'est mon jour anti-Seigneur. Le Seigneur porte une barbe, je me rase le dimanche, ça a bien du sens. Ah non, je parlais pas la face. Essaye de me retenir, j'ai pas été capable. Tout à l'heure, on va voir la chronique, c'est un fait, François. Oui. Mais pour l'instant, voici The Deers et Thrones. Et, tu pensais que je parlais de... Ouais. Ah non. Disappear into the dark. All the hope we put together falls apart. In a millisecond, point oh 0.01. It's even slower than forever could ever run. We'll second point of zero was. It's even slower than forever could ever run. There's a billion pieces left behind to share. Not a single one of us has the guts to bear across. Do Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. ajoutant des erreurs. Je suis le fils d'une police, le frère d'un ourson en plus. Mon papa était un bon flic, mon papa était un bon flic. Et on écoutait Elvis dans le 8 track du Caprice. Et sur la transcanadienne, mon père criait pour la peine. C'est fini le Québec, c'est fini le Canada. L'Amérique a des problèmes, à force d'envahir le monde. Oh, Québec, oh, Canada. C'est so fort. Et depuis sa caisse, le sac de chips qui baisse. Faut donc acheter un barbecue, un set de patio, la vaisselle pour ta femme. Qu'elle fasse encore un peu semblant, qu'elle fasse encore un peu semblant d'être heureuse. C'est fini le Québec. Mimi Van Der Glo. Hey, ça faisait longtemps, Mathieu, que je voulais la faire jouer. Mm-hmm. Et puis, c'est aujourd'hui que ça se produit. Trop longtemps. Trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Trop longtemps. Quand j'étais parti aller voir ma soeur, une tranche de vie, là, ouais, hein, je sens tenu. Quand j'étais parti aller voir ma soeur, Christelle Monton, moi et ma blonde, en fait, on s'était rippé plein de CD. Ouais. Et puis, cette chanson-là, elle a joué très, très, très, très souvent. Bon. Hein? C'est joli. C'est-tu pas beau? Ah, la complicité, frère et sœur. C'est-tu pas beau? Oh, j'ai cru! C'est-tu pas beau? Pou pou pou pou pou pou. C'est comme ça que tu parles à ton enfant? Pou pou pou pou. Bon! Qu'est-ce que t'en penses si on se fait une petite chronique, c'est un fait? Ah, pas de suite. Ah, ok, laisse faire le bon. T'es drôle, là! La chronique, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables ici à Assemblage Requis. François va m'aider à donner son verdict là, si c'est un fait intéressant ou pas. Ça passe ou ça casse. Et voilà, comme on dit. Tu connais la série Mon oncle Charlie? Avec Charlie Sheen, tout le monde parle de Charlie Sheen en ce moment. Ouais, ça avait joué à vous, hein? Oui, exactement, okay. Exactement. Savais-tu que le créateur de Two and a Half Men, donc mon oncle Charlie, Chuck Lorre, a coécrit la chanson thème de Teenage Mutant Ninja Turtles? Ah oh, non, a Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Hein? Ça ressemble à ça, un peu. Savais-tu que les étudiants de l'université Brigham Young University doivent demander une note du docteur pour se faire pousser une barbe? Non, je ne comprends pas, là. Ben, Brigham Young University, premièrement, d'accord? Si on se rend sur BYU.edu, d'accord? Ça nous dit que... est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Ça ne veut pas cliquer. Ça doit être une école particulière qui demande aux gens de faire... de demander une note du médecin pour se faire pousser la barbe. J'aurais aimé ça. Mais c'est bon. C'est donc bien stupide. Pourquoi? Ben, c'est ça. Pourquoi ben, c'est... Je sais pas. Mais c'est ta face. Ben oui, je sais. C'est ta moustache. C'est même pas une école médicale ou rien, en tout cas, à ce que je vois. Là. Il y a pas l'air d'avoir grand-chose de médical là-dedans. Ben, ah, c'est vraiment... Excusez-moi, là. Bon. OK, monsieur. Il y a des faits comme ça qu'on ne nous dit pas les détails. Par exemple, le prochain. Savais-tu qu'il y a 12 nouveaux trous de golf qui sont construits à chaque jour? À chaque jour? 12? 12 nouveaux trous de golf. François, 12. Oh. Savais-tu que si tu criais pendant 8 mois, 7 ans et 6 jours, tu produirais assez d'énergie pour faire chauffer une tasse de café? En quoi? En 8 mois? Ouais, en 8 mois, en 7 ans, 8 mois et 6 jours. 7 ans, ouais. 7 ans, 8 mois et 6 jours. Assez d'énergie sonore pour faire chauffer une tasse de café. Eh bien. La dette nationale américaine hier était à 4... Oh là, je ne vais même pas dire c'est combien de... Ah, c'est énorme. 14,137,541,98,872,71. Ce qui est 17,7 milliards de plus que vendredi dernier. 17 milliards de plus que vendredi dernier. Oui, et là, ça, c'était en date d'hier, mercredi. Donc, ça augmente au rythme d'à peu près 17 milliards par semaine. À peu près. Ouais, un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus. De vendredi à mercredi, il reste encore 2 jours. Ça a le temps de monter. On peut battre notre record. Go USA! Go, go USA! Go! Hey, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Maintenant, ça va péter, puis... Tassez-vous de là, mais nous autres, on est collés dessus, et puis... En tout cas... Ouais. Ouais, ça fait peur. Ça fait assez peur. Tu connais l'actrice américaine Sandra Bullock? Oui. Ça dit quelque chose? Oui. C'était quoi le bateau, puis le train, puis l'autobus? Clanche. C'est ça. Clanche. C'est ça. Donc, Sandra Bullock a gagné le Razzie Award pour pire actrice le même soir qu'elle a gagné l'Oscar pour meilleure actrice. Hein? Donc, les Razzie Awards... Le Non. Pour ceux qui ne connaissent pas les Razzie Awards, dans le fond, c'est le contraire d'un Oscar. Sandra Bullock a gagné son Razzie au 30e Raspberry Awards pour avoir joué Mary Horowitz dans le film All About Steve. C'est la petite comédie romantique, là. Avec un gars, là, puis... J'essaie d'éviter ça, sincèrement. Ouais, et l'Oscar pour les 82e Academy Awards pour avoir joué Leanne Toohey dans The Blind Side, ce qui fait donc de Bullock la première actrice et la troisième personne en tout à avoir l'honneur de gagner un Razzie ainsi qu'un Academy Award dans la même année. Mais elle, c'est évidemment la seule, là, en tout cas, parce que... Est-ce que c'est... Non, c'est la première actrice et la troisième personne, donc les autres, c'est des hommes qui ont gagné. Dans la même année. Vous pouvez aller voir son discours quand elle a accepté son Razzie Award sur assemblagerequis.com, évidemment. Ah, ils les acceptent tous. Oui, il y en a qui les acceptent. OK. Je sais pas si c'est quelque chose de commun, mais j'ai entendu que c'était arrivé quelques fois. La chanson que les gens associent le plus souvent avec le cirque. Ah, j'ai support auditif ici. Télécino va nous jouer ça dans quelques secondes. Il est tellement fiable, le gars qui s'occupe de la console ici. Cette chanson-là. Là, ça dit quelque chose? Oui, certainement. La chanson que les gens associent le plus souvent au cirque et au clown parle en fait de gladiateurs. La chanson s'appelle Entrance of the Gladiators, écrite par le compositeur tchèque Julius Fusik en 1897. Hein? C'est bien, hein? C'est pas des clowns, mais c'est bien. Ça, c'était aussi... C'était la chanson titre de Doink, un lutteur à la WWE. Ah! Dans le tel, ça doit dater d'une couple d'années. Là. Oh, et ben. Ah oui, mais quel souvenir d'enfance, cette musique de cirque, je trouve. C'est très bien. Sinon, pour continuer avec la chronique, c'est un fait, toujours, à Assemblage Rocky, évidemment. Un homme a été tiré. OK? Tiré. Pendant une diffusion ou une représentation du film Black Swan, le signe noir, là. Tu connais avec Natalie Portman et Mila Kunis, mais surtout Mila Kunis. Bonjour, si tu nous écoutes. Bonjour. Donc, Black Swan, parce qu'il se plaignait d'une autre personne qui mangeait trop fort son popcorn. Mais c'est fait tirer à cause de ça. Exactement. Un homme de 43 ans dans le Latvia, là, le pays, là, n'a pas pu savourer son film parce qu'une autre personne dans la salle de cinéma mangeait trop fort son popcorn. Donc, la personne qui mangeait le popcorn, quelqu'un qui a gradué de l'école de police, de l'académie de police, un homme de 27 ans, armé d'un doctorat de loi de l'université de la Latvia, et qui a aussi une arme enregistrée, donc il avait le droit de porter l'arme, a été offusqué quand l'autre gars lui a dit qu'il mangeait trop fort. Il a attendu que le film soit terminé et a tiré l'homme de 43 ans. Ça l'a tué. Donc, dans le fond, l'homme de 43 ans s'est plaint au gars de 27 ans qui mangeait son popcorn trop fort. Le gars de 27 ans a été offusqué, a attendu la fin du film et est allé tirer le gars de 43 ans. C'est du savoir-vivre. C'est vraiment très fort. Très, très fort. Il y avait aussi une autre histoire il y a quelques années d'un gars qui avait été poignardé dans le cou avec un thermomètre à viande parce qu'il s'était plaint cause d'un téléphone un petit peu trop... qui sonnait trop fort. Donc, si vous êtes au cinéma et que quelqu'un fait quelque chose que vous aimez pas, je suis pas sûr que c'est nécessairement tout le temps une bonne idée de se lever debout et dire... Ta gueule. Je sais pas si je le ferais, tu sais, maintenant. Ah, c'est un passé subi. Mais en même temps, ça a dû tellement arriver souvent. Ouais. Puis il s'est rien passé. Mais... Oui, c'est ça, exactement. Ça arrive une fois de temps en temps, puis ça crée un... Surtout aux États-Unis aussi. Oui. Parce qu'il y a pas d'armes. Mais on était en Latvia, là. Le pays, là. Que je dois sûrement. Il y a sûrement une traduction en français pour le mot Latvia, puis je la connais pas. Mais regarde. Voilà. Pour cette nouvelle-là. Sinon, allons-y avec le prochain fait dans la chronique, c'est un fait. Tu te rappelles peut-être du gars qui disait qu'il avait gagné $1 million sur YouTube. Tu te rappelles peut-être l'histoire. Le gars, il avait posté une vidéo, donnez-moi $1 million, puis là, ben, il avait dit que quelqu'un lui avait donné $1 million pour vrai. Ça avait fait le tour un petit peu des nouvelles insolites. C'était faux, complètement faux. C'était ridicule. D'ailleurs, je veux dire, en le regardant, je pense que c'était pas la chose la plus crédible au monde, mais tu sais, des fois, à un moment donné, tu crois ces affaires-là parce que ça se passe sur Internet. Hein? Donc, il disait qu'il avait reçu $1 million après l'avoir demandé sur YouTube. Donc, ce qu'on dit après ça, c'est que lui, il a posté une autre vidéo pour dire que c'était faux avec une fausse lettre de notaire, parce que dans la vidéo originale, il montrait la lettre du notaire comme de quoi, ah, tiens, regardez ça, c'est vrai, ça peut pas être faux, j'ai un morceau de papier, je le brandis dans les mains. Ouais. Tu sais, c'est... au moins du bon côté, le gars a eu plein de publicités et peut-être qu'il va pouvoir faire plus d'argent avec les publicités. Ah non, attends un peu, ce n'est pas un partenaire de YouTube, donc il n'a pas d'argent pour les publicités. Il faut être partenaire de YouTube. Et lui, il ne l'est pas, donc je sais pas pourquoi il a fait cette chose-là, ça lui apporte absolument rien. Juste pour qu'on parle de lui. Et voilà, et c'est fait, je pense que c'était peut-être son but. Hein. Les bars de karaoké dans les Philippines ont banni la chanson de Frank Sinatra, My Way, parce que ça mène à des batailles, à des fusillades. Les gens sont violents là dans le monde, là. Mon Dieu, je sais pas si c'est la boisson ou n'importe quoi, ou juste parce que peut-être que les bars de karaoké sont dans des quartiers un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus durs là, où les gens font des choses là, ou peut-être que les gens aiment vraiment Frank Sinatra dans les Philippines et aiment pas que les gens botchent leur chanson, la peut-être, chanson du gars. Peut-être. Bref, pour peu importe la raison, il y a eu au moins une demi-douzaine de tueries en Philippines par rapport au karaoké et à la chanson My Way. On les appelle même les My Way Killings, donc les tueries My Way, si on veut. Il y a un article d'ailleurs dans le New York Times qui est en lien sur assemblagerequis.com. C'est arrivé même une fois pendant que la chanson était encore en train de jouer. Le garde de sécurité San Mateo, du San Mateo Karaoke Bar, hein, a interrompu les gens qui chantaient la chanson, se plaignant que les gens ne chantaient pas correctement, qu'ils n'étaient pas sur la bonne note. Donc, quand les chanteurs ont continué, le garde de sécurité l'a tiré dans la poitrine. Boom! Et l'a tué. Le garde de sécurité a tué pour une chanson mal chantée. Les gens sont fous, là. Les gens sont complètement fous. C'est incroyable. Beaucoup de bars de karaoké donc ont répondu à ça en enlevant la chanson de leur catalogue. De toute façon, les gens eux-mêmes refusaient de la chanter la plupart du temps. Mais pourquoi My Way? Aucune idée. Par contre, il y en a qui ont des théories, comme de quoi que les paroles sont super arrogantes. Les paroles parlent de fierté, de l'arrogance du chanteur. Et comment... Voilà. En tout cas, ça mène à des batailles. Incroyable. Et voilà. Avec un dernier, est-ce que je vais avec un dernier? Ben oui. Le logo original d'Apple. OK. La compagnie Apple avec une pomme. Ouais. Le premier logo a été dessiné par Ron Wayne, qui était un des trois cofondateurs d'Apple. Ça a été utilisé seulement pour un seul ordinateur, c'était le Apple One. C'était plus une peinture qu'un logo. Ça montrait une scène célèbre que tu connais, où Isaac Newton se demande des questions sur la gravité en dessous d'un pommier et que la pomme lui tombe sur la tête, tu te rappelles? Ouais. L'arbre, la pomme, ouais. Sur la tête. Ah, gravité, houhou. C'était ça le logo? Ouais, ben c'était ça. Va voir sur assemblagerequis.com. C'était pas un logo, c'était plus un dessin. Vraiment, c'était vraiment un dessin où je sais pas à quoi, là, mais en tout cas, c'était en noir et blanc. C'était super joli. Moins d'un an plus tard, Steve Jobs, un autre des cofondateurs, a demandé de refaire le logo parce qu'il trouvait que c'était trop intellectuel et beaucoup trop compliqué pour être mis sur des ordinateurs. Là. C'était pas un... T'sais, une pomme, c'est juste une pomme. Là. C'est simple, c'est facile à retenir. Ouais, c'est ça. Puis un logo, ça veut simple. Et voilà, t'sais, c'est comme à un moment donné, tu commencerais pas à mettre, mettons, un bonhomme avec des cheveux dans les airs, puis un texte en dessous, puis de l'autre côté avec une affaire, mettons. Comme le logo de C'est fou, t'sais. T'avais compris, là. Ouais. Donc, voilà pour Apple. Le plus récent logo a été créé par un designer artistique, Rob Janoff, qui est beaucoup plus simpliste, oui, avec une pomme un petit peu mâchée. Comme ça, et avec les couleurs de l'arc-en-ciel, mais dans le mauvais ordre, le premier logo d'Apple. Ça a servi en tant que logo principal pendant 20 ans, jusqu'en 1997, où Jobs a décidé de lâcher les arc-en-ciel là, et de prendre une pomme avec une seule couleur. Et vous pouvez aller voir une liste de faits intéressants sur l'histoire d'Apple, ses logos et ses premiers ordinateurs sur le lien qui est sur assemblagerequis.com. Voilà pour la chronique, c'est un fait. François-Olivier Marchand. Merci Mathieu Plante, fort c'est intéressant. Ah ben là, c'est dit. Et puis, je suis allé voir le logo, et puis c'était la première fois que je voyais ça. Ben le logo, là. Oh, oui. Le logo, et puis ça a vraiment pas l'air d'un logo. Comme non. Disais, c'est vraiment une peinture... Au fusain, peut-être. Au fusain, sûrement, ouais, peut-être. À plume. Écoute, petit, c'est du fusain, ça. Quel enfoiré, ce con! Mon nom est François Pignon. Bon, je connais pas par cœur le texte de la pub du dîner de con, mais je suis proche. Un jour. Un jour. Bon. Un jour, je pourrais vous la réciter en direct. On retourne dans la musique, voici Band of Scars et I Know What I Am, 89.1 FM, c'est fou. Avec le petit bonhomme avec les cheveux dans le vent. Wouhou! Comme s'il sautait. Triple psycho, I got a feeling like a tide of flow. But I know what I am, ain't no one to ask, so let me. Gasoline, saccharin, I got no reason for the state I'm in. But I know what I am, they know what they are, so let me be. Hotel, Taco Bell, I got the hit that you know damn well. But I know what I am, they know what they are, so let me. Thank you. La pièce appartement d'Eugène et le cheval à Assemblage Requis, c'est sur le palmarès francophone de C'est Fou, évidemment. Évidemment. Eh oui. Mort. Mort. Mort. Mort. Mort. Mort. Mort. Mort, évidemment. Mort. Ah, mort. Mort. Ah. Ok. Et non, pas mort. Non, parce que là, c'était un petit peu déprimant, je trouvais. Ouais. Ouais. Fin de la première heure, il y en a une deuxième tantôt avec Simon Fitzbé qui va venir nous parler de Serge Gainsbourg, parlant de Monsieur Mort. Me voilà inculte musicalement, même chose pour toi. Ben, je pense que oui. Je sais pas. Est-ce qu'on lui demande tantôt? Oh, la chronique est en deux parties. Peut-être qu'il y aura un suspense à la fin de la première. Est-ce que je vais aller voir sur Google avec? Ok. Ah là, c'est comme Dallas. C'est comme si t'allais voir les spoilers de Dallas avant que ça joue. Là. Voyons donc. Alors, c'était qu'un reste, là. Je sais. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Requis. Deuxième heure d'Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières en ce jeudi 3 mars. Lui, c'est François Vieux Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et oui, hein, désolé. Désolé. C'est tout ce que vous aurez. Non! C'est des blagues! Ben non! Comment ça, y'a pas juste nous autres? Ben non! Hey, tu parles d'une affaire, toi, c'est comme un genre de cadeau qu'on vous fait à chaque jeudi matin. Enfin. Voici Simon Fitzbé et sa chronique Phénomène! Me regarder les gars comme si j'essayais de remplir du temps ou comme si vous saviez pas trop où je m'en allais ou c'est un peu ça, hein? Ben, non. Bon. Donc bonjour Simon Fitzbé. Bonjour Mathieu Plante, bonjour François-Olivier Marchand. Bonjour Simon Fitzbé, tabarouette. Tabarouette. Ça va bien? Oui, vous autres. Yes, sir. Toujours, quand on a des tabarouettes dans le coin, ça met de bonne humeur. Ouais. Oh, petit. Simon Fitzbé, ah, les blagues aujourd'hui, c'est, François, tu nous imites plein de gens. Là. T'es un vrai Jean-Michel Anctil. Un sac à blagues. Oui. J'aime mieux sac à blagues que Jean-Michel Anctil. Ah, c'est moins méchant. Donc, t'as la même coupe que lui. La petite crête en avant. Hey. Donc, je vais dire pour une 12e fois, Simon Fitzbé, bienvenue. Bonjour. Avec ta chronique Phénomène, tous les jeudis matin, tu nous présentes un autre des phénomènes du rock. Et là, tu commences une nouvelle série de deux chroniques. Oui, on va avoir deux chroniques sur un des grands hommes de la musique. Et vous savez, l'histoire de la musique est remplie de figures iconiques, des plus grands que nature. Bien que depuis l'automne, nous soyons arrêtés, surtout à des personnalités des groupes américains ou britanniques, un personnage intriguant et fascinant mérite notre intérêt. Donc, messieurs, cette semaine, nous attarderons au plus grand chanteur de charme français, au plus incompris et des provocateurs et au plus passionné des auteurs-compositeurs. En fumée de gitane, je vous présente les débuts d'un homme qui nous a quittés il y a 20 ans, le 2 mars 1991. On est pratiquement dans les dates. Serge Gainsbourg. Yeah! Donc, Serge Gainsbourg est né à Paris sous le nom de Lucien Ginsberg. En 1928, ses parents sont immigrants russes et son père est pianiste professionnel dans les bars. Il est le cadet de sa famille. Alors qu'il est encore jeune, il obtient ses premières leçons de piano de son père, bien sûr. Et par contre, il n'est pas nécessairement intéressé par le gang-pain de son père. Il s'intéresse plutôt à la peinture. Donc, il était toujours artiste dans l'âme, mais vers un autre style. Ses parents l'inscrivent donc dans un collège afin de développer ses talents de peintre. Le collège s'est également révélé comme une protection supplémentaire contre les chasses aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque bien sûr, il est de descendance juive. Et il s'est d'ailleurs caché pendant au moins 3 jours dans les bois pour se cacher des SS à sa poursuite, ce qui est déjà une histoire assez rocambolesque.

Hey Simon, selon toi, quelles sont les chances quand, mettons, j'écoute la chanson et que je me relaxe et que je paye sur le bouton qui diffuse la pièce avec mon coude? C'est quoi les chances? Je dirais 1/4. Avec moi, c'est 1/1. 1/1, ouais. Mais là, je te vois, moi, t'es encore à côté. Ouais, mais attention. Là, je suis pas sur les mêmes boutons. Ouais. Donc, et tantôt pas trop, c'est ça que ça veut dire. Ouais. C'était Serge Gainsbourg, une de ses premières performances radio-télé. C'était bien sûr le point sonore de Lila, sa première, son premier grand succès, présenté par Michel Arnaud, justement. Et pièce qui a été reprise par Alpha Rococo sur leur dernier album. Oui? Ouais. Ah! Donc si jamais vous voulez entendre, probablement peut-être. En tout cas, on en reparlera tantôt. C'est bon, vous allez faire Rococo, même si c'est joyeux. Quand même. Bon. Ben, tu sais, il y a des bonnes pièces. Oui, c'est ça. Ils sont jolis. Et donc, c'était bien sûr dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Oui. On parle bien sûr de Serge Gainsbourg. Et la carrière de Serge Gainsbourg est alors lancée avec le point sonneur des Lilas. Il est présenté à l'émission de François-Claude sur France Inter en janvier 1958. C'est Michel Arnaud qui devient également sa première interprète qui va chanter ses chansons. Malheureusement, c'est aussi à cette époque, en octobre 57, qu'il se sépare de sa femme. Donc, ça n'allait plus. Gainsbourg lance son premier album, Du chant à la une, qui est bien reçu par certaines critiques, mais rejeté par le grand public. Par contre, on remarque le talent d'auteur-compositeur de Serge Gainsbourg, qui se lie d'amitié avec Alain Crogaer, arrangeur plutôt pour Boris Vian, avec qui il entreprend une longue collaboration. Et Boris Vian, lui, va comparer Gainsbourg à Cole Porter quelques temps avant de mourir en 1959. Gainsbourg écrit et compose avec Goraguer, plutôt, voilà, et interprète ses propres chansons. Malheureusement, il continue à être rebuté par le public qui rit de ses grandes oreilles et de la proéminence de son nez. Il lance l'album Jazz Gainsbourg Confidentiel, ainsi qu'en 1963, cette fois-ci, et l'album de percussion africaine Gainsbourg Percussion, en 1964. Les deux albums sont excellents au plan musical, mais sont encore des flops commerciaux. C'est alors qu'il trouve la façon de faire connaître son œuvre au grand public, et ce, sans faire rire de lui, c'est-à-dire en offrant les pièces à des artistes plus connus que lui. Il offre deux chansons à Juliette Gréco, accordéon et la javanaise, qui lui rapporte plutôt de généreuses royautés. Il cartonne aussi avec Françoise Hardy, avec comment te dire adieu. Et il collabore plutôt avec Petula Clark. Par contre, c'est France Gall qui devient sa collaboratrice la plus lucrative avec N'écoute pas les idoles, Laisse tomber les filles et le méga hit Poupée de cire, poupée de son. Chanson avec laquelle qu'elle a choisi pour présenter au tout premier concours pan-européen Eurovision. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Voilà la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire. Dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. les cheveux blancs, poupée de cire, poupée de sang. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de sang. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de sang. C'était France Gall avec Poupée de cire, Poupée de son, de composition de Serge Gainsbourg, avec laquelle elle a gagné l'Eurovision. Et elle a fait de Gainsbourg un homme pratiquement riche. Mm-hmm. Et c'était bien sûr dans le cadre de Phénomène, où on parle de Serge Gainsbourg, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Et voilà! J'ai encore le bloc où je me dis, faut pas que je dise Kiwan et Mathieu. Quand même, après un an, ouais, ça reste. C'est ridicule, il marque ce gars-là. Oui! Il marque tel un pneu de camion. Oh, en train de livrer des choses. C'est ce qu'il fait, là? Pas en ce moment, c'est fini. Ça. C'est fini. Et donc, le succès de France Gall a considérablement augmenté, oui, la fortune de Gainsbourg et l'a établi en tant que chansonnier d'expérience. Maintenant, toutes les jeunes chanteuses et starlettes veulent avoir une chanson et sont littéralement prêtes à tout pour obtenir les mots du parolier charmeur qu'il est. Cela a dit, une seule captive assez pour vivre à la fois une relation professionnelle et personnelle des plus sublimes avec Gainsbourg. En 1968, à l'aube de ses 40 ans, Serge tombe fou d'amour avec pour la sex-symbole, la sublime, la merveilleuse Brigitte Bardot. Et pour elle, il écrit la Madrague, Le Soleil, Harley Davidson, Comic Strip, Bonnie and Clyde, ainsi que l'inoubliable Je t'aime, moi non plus. Pièce qui, malgré son énorme potentiel commercial, a été écartée à cause du mari jaloux de Bardot. Et les deux ont eu une complicité artistique incroyable, comme j'ai dit, et Bardot n'a pu résister vraiment longtemps au charme de Gainsbourg. Elle a d'ailleurs expliqué son charme lors d'une entrevue. Elle a dit « La beauté, c'est quelque chose qui peut être séduisant un temps. Ça peut être un moment de séduction, mais l'intelligence, la profondeur, le talent, la tendresse, c'est bien plus important et ça dure beaucoup plus longtemps. » Donc, elle est en train de dire qu'elle trouve pas beau. Ben, il était pas très beau, Gainsbourg, en partant, mais ouais, c'est ça, c'est assez réel, déjà, de voir les deux ensemble, bien que ça n'a pas été trop public, puisque c'était une relation adultère de la part de Bardot, quand même, c'est assez surprenant de voir ces deux personnages-là. Le contraste. Ouais, pas mal contrastant. Ouais. Et pour sa part, donc, Gainsbourg s'est inspiré de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et des poèmes d'Edgar Allan Poe, oui, pour rendre hommage à la beauté de Bébé. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. C'est Serge Gainsbourg avec Initials BB, pièce qui rend hommage à la beauté de Brigitte Bardot, pièce qu'il a écrite lorsqu'il a rencontré la belle au début de leur collaboration. C'est bien, bien sûr dans le cadre de Phénomène où on parle de Serge Gainsbourg dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Ah. François-Olivier et Mathieu. Oui, Faume. Faume. Faume. Mais toi, c'est déjà Faume, tes initiales à François-Olivier Marchand. Ouais. Faume. Femme, l'homme, le femme. Oh. C'est comme une combinaison de fun et de homme. Oh, j'aime ça. Un homme, le fun, fond. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et donc, malheureusement, la brève idylle entre Serge et Brigitte a pris fin alors que la sublime Bardot, agacée par... Est-ce que tu la trouverais sublime, juste par hasard? Oui, okay. Moi, je la trouve... ben, à l'époque, là, ouais. Pas maintenant. Non, moins. Je la trouvais vraiment incroyablement jolie. Ouais. Et donc, elle était agacée par la tempête médiatique de sa relation adultère, bien sûr, puisqu'elle était mariée. Et ça, c'était assez bizarre. Elle s'était mariée avec un général allemand qui est arrivé au-dessus d'elle en hélicoptère, qui avait lancé des pétales de rose. Et c'est ça qui l'a charmée. Elle connaissait pas le gars. Elle s'est mariée quand même assez vite avec. Wow. Bardot était très belle, mais c'était pas nécessairement la plus grande lumière de son époque. OK. Et donc, elle a repris sa carrière cinématographique. Elle a quitté Serge pour éviter donc les problèmes avec son mari jaloux. Et de cette courte relation enflammée, on pourrait en tirer certaines des meilleures compositions pop de Gainsbourg, ainsi que la renaissance de celui-ci en tant que chanteur, puisqu'avant, il n'était pas très, très populaire. Serge est dévasté par le départ de Brigitte. On aurait pu s'attendre à ce qu'il s'enfonce dans une dépression sans fond suite au départ de sa belle. Il aurait pu mais une rencontre va le sortir de sa torpeur. Une jeune femme qui a de plus de 18 ans, sa cadette, donc qui devient sa muse et sa compagne pour près de 10 ans. Il rencontre bien sûr la sublime Jane Birkin. Serge Gainsbourg et Jane Birkin, oui, avec la pièce Je t'aime, moi non plus, donc qui ouvre l'ère Birkin de Serge Gainsbourg, puisqu'il a été quand même avec pour près d'une décennie, a lancé ses meilleurs albums avec Jane Birkin comme accompagnatrice. Et cette pièce-là, Je t'aime, moi non plus, qui avait été écrite tout d'abord pour Brigitte Bardot, mais qui n'a jamais été lancée. Elle a été lancée en fait en 1986, après qu'il n'y ait plus risque de scandale. Mais la version de Birkin est vraiment meilleure, puisqu'on croit vraiment plus à la relation entre les deux que celle de Gainsbourg et Bardot, aussi, qui ont l'air gênés vraiment d'enregistrer ça. Et donc, c'était bien sûr dans le cadre de Phénomène où on parlait de Serge Gainsbourg aujourd'hui, dans le cadre d'Assemblage requis avec F.O. et Mathieu. Et M. Et M. F.O. et M. Voilà. Merci beaucoup, Simon Fédibé. On va te retrouver avec la deuxième partie la semaine prochaine. Oui, on va parler bien sûr de cette ère de Birkin et de tout le reste. On va savoir s'il est mort. Oui, on va savoir s'il est mort comme il y a 20 ans hier. Oui, c'est ça. On est très, très cultivés, comme. Nous. Comment? Comme s'il était mort. Comme s'il était mort, oui. Le 20 ans. Ah. Puis Dallas, la finale, c'est-tu bon, ça? Ah, c'est spécial. Mais si t'as même pas suivi la série, tu sais, c'est encore plus ordinaire. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait une finale, sincèrement. Ah oui, JR s'est suicidé, genre, parce qu'il a passé la journée avec ce qu'il pensait être son ange gardien, mais finalement, c'était comme le diable. Puis il l'a comme forcé à se suicider, ouais, à la fin de l'épisode. Ben là, ça me donne plus aucune raison d'écouter Dallas. Ben là, tu oui, m'as volé le... oui, parce qu'il y a un film après, puis JR, il était dedans. C'est comme, il est pas vraiment mort quand il s'est tiré une balle dans la tête. Ah, c'est... OK. Ouais. C'est du grand Dallas. Oui. C'est Dallas. C'est ça. Et on parle de Dallas parce que on n'était pas sûr tantôt si Chose était mort. Ouais. Ça nous rappelait un cliffhanger. On pensait que t'avais peut-être fini ta chronique avec sera-t-il mort? Ben, j'ai fini quand même avec une belle chose avec Jane Birkin. Oui, ça finit sur une bonne note. Une belle femme. Et d'ailleurs, si vous voulez entendre plus de Gainsbourg, je vous invite à écouter La Saveur du moment. Ce soir, on va en avoir un petit peu là, des pièces, dont la version Je t'aime moi non plus de Bardot et d'autres grands chefs-d'œuvre de Gainsbourg qui n'ont pas, dont on n'a pas eu le temps de vous présenter dans la chronique de ce matin. Voilà, c'est ce soir à 21h à La Saveur du moment. Sinon, il y a d'autres émissions de la part de Simon Fitzbé, d'autres chroniques, d'autres matériels dans ce jeudi qu'on appelle Simon Thieu Fitzbé Plantel. Parce que plus de Mathieu Plante. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est le matin à Assemblage requis, toujours avec ta collègue Phénomène. Le midi, sur l'heure du dîner avec le scoot des internets. Chante-le donc. T'as comme pas le choix de la chanter, vu que c'est toi en plus qui a fait. J'ai la chanter en studio à chaque semaine, maintenant que tu dis. On peut dévoiler, on peut lever le rideau devant ce théâtre. Ok, c'est fou. Ensuite, donc, le soir, c'est La Saveur du moment à 21h. Et le vendredi, en après-midi, c'est ta chronique Les éphémérides du rock. Oui, à 11h, le vendredi, dans Rock Classique. Tout à fait bien dit, Simon. Ouais. Oui. Là, il n'y a pas de François Landry aujourd'hui, tu le savais? Mais non, malheureusement. Non! Donc, est-ce que tu restes avec nous ou tu t'en vas? Ben, je vais rester avec vous quand même. D'accord. On va essayer de remplir cette... On va essayer de parler politique. Vide. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant, on prend une petite pause. Reste avec nous, cet assemblage requis jusqu'à 9h. Ah, c'est fou dans vos oreilles. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage requis en pièces détachées. Ah, toujours Assemblage requis. Il nous reste encore 25 minutes ensemble, hein, François-Louis Marchand? Oui, Mathieu Plante. Hein, Simon Fédé? Ben oui, certainement. Simon qui va être présent d'ailleurs pour notre concours, notre tirage des bonbons. Ouh! Ensemble de bonbons d'une valeur de 50$. Ça est une graciosité de Allen Candy. Des bonbons Bigfoot. Des bonbons. Et hey, puis on voyait, il y a un kilo de Bigfoot. Puis un kilo, mais c'est pas tout, là. Il y a plein d'autres choses aussi, là. Mais un kilo de Bigfoot, c'est... C'est beaucoup. Ça vaut la peine. Oh oui, tout à fait. Incroyable. Ça va être un peu plus tard dans l'émission. Ouais, mais pour l'instant, on s'en va en musique. On va entendre la pièce couleur naturelle de l'ombre tout de suite. Ah, c'est fou, 89 FM. Mais après ça, c'est le poste d'écoute. J.P. Mortier, François. J.P. Mortier. Mortier. Pas de l'écoute tantôt. OK. OK. Vendu. OK. OK. OK. OK. Il peut obéir et tuer sans devenir fou. Monsieur l'aéroporté. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou à se décomposer. C'était la pièce de l'album Le Ville est fantastique du nombre. C'était des zombies et des fleurs, bien évidemment. Hein, vous l'avez compris par les paroles qui disaient des zombies et des fleurs. Des zombies et des fleurs. Des zombies et des fleurs. Hein? Bon, pas mal ça. Vous êtes toujours rassemblés à Joaquin. Il nous reste 20 minutes à peine ensemble. François, Olivier Marchand, c'est le moment de passer à notre grand concours. Roulement de tambour, là, je vais le faire un roulement de tambour, mais ça ressemblait nullement à ça. Attaque. Ah, ouais? Ouais. Ah, ben, c'est pas quelqu'un qui danse la claquette, ça? Peut-être. Tap. Bon! Continuons! François, savais-tu qu'on vient de trouver Bigfoot? Hein? Oui, on vient de trouver. Pas dans la nature, là. Pas dans la nature, mais ici même, dans nos propres studios. Vous pouvez courir la chance de gagner un ensemble cadeau d'une valeur de 50$ comprenant les fameux Bigfoot à saveur douce et savoureuse. Une des nombreuses variétés de friandises produites par Allen Condy Company. Le gagnant va être certainement très populaire auprès de ses amis et les membres de sa famille. Vous pouvez joindre les 34 000 fans des produits Bigfoot sur la page des fans de Facebook. C'est facebook.com/BigfootCandy. Profitez des friandises Bigfoot pendant le congé scolaire du mois de mars grâce à Assemblage Rocky et grâce à Allen Condy Company. Miam. C'est bon dans le bidon. It's good in the bedding. Mais pas obligé non plus de tout manger le jour même. Hein? Le partage, c'est bon, on l'apprend. Oui, oh, tout à fait. Ouais. Si mon fait du beurre l'a convaincu, oh oui, faut partager. C'est ça. Partager. Oui, je vais partager. You're right. Sure. You're right. I'm gonna. Yeah. Donc, on va vous laisser la chance de gagner en nous téléphonant au 819-376-5183. 819-376-5183. On va prendre l'appel numéro 4-5-5-5. Exactement, c'est l'appel numéro 4 par téléphone pendant qu'on écoute Tokyo Police Club avec une demande spéciale de la part de Roxane. Voici un Bambi. Pas Bambino, là. Ça, c'est une pizza, là. On parle de bonbons, là. Oh. Pizza au bonbon, c'est bon aussi. Ah oui, certainement. Pour déjeuner. Miam, miam. 376-5183. Where I was always a winner and I was usually right. Tokyo Police Club et la pièce Bambi en demande spéciale. Merci à Roxane de nous avoir téléphoné pour avoir demandé cette pièce-là. C'est fait. Crochet. Wink. Check. Check it out. C'est fait. Simon Fitzbé qui est avec moi à Assemblage Requis en ce moment. Ben oui, t'es parouette. T'es parouette parce que François Olivier a quitté le studio momentanément. Ben oui. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il va rater, Simon? Qu'est-ce qu'il va rater? Attends, je l'ai mis trop fort. Pas assez fort. Attends, on va tant qu'à bûcher dans la radio de même. C'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Le poste d'écoute. Bienvenue dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis où à chaque fois qu'on se rencontre, on se passe un petit nouveau CD qu'on vient de recevoir à la station. Des CD qui m'ont été suggérés par la haute direction, les hauts placés, les hommes en cravate. Là. Les corporates. C'est ça, les suits. Oui. Les suits. Donc, ils m'ont dit que peut-être que JP Morty, ça pourrait être quelque chose de bon. Oh. On sait pas encore. On va voir si nous, on aime ça à Assemblage Requis, si ça mérite de jouer une fois de temps en temps à Assemblage Requis. Donc, JP Morty, lisons son petit texte parce que c'est toujours très, très intéressant et toujours très véridique ce qu'on écrit sur le document de presse. Le nouvel album de JP Mortier, qui est un auteur-compositeur de Montréal. Son dernier album pourrait être la trame sonore de votre prochain road trip. Sa musique se situe quelque part à l'est de Bowie, à deux pas de Leonard Cohen, oh, des grands noms, et au coin de Pink Floyd et Pearl Jam. On se met la barre haute, là. Ouais, un petit peu beaucoup, je te dirais. Ça fait dur, un peu. Maintenant, le troisième album de JP commence une nouvelle aventure sonore. Écoutons l'album et puis on parlera un petit peu plus en détail de ça si on trouve que c'est opportun. Ouais. JP Mortier, voici Absolution de son album JPM003. Assemblage Requis dans le poste d'écoute. Intriguant quand même. Beaucoup de grosses pointures, là, les souliers durs à remplir peut-être. Hein? Ouais. Absolution. poste, le poste d'écoute. On fait déjeuner, dîner, souper, du fast-food, là, une journée par semaine, qu'apparemment on le voit. Oh, ouais. Moi, j'ai un repas par semaine où je me permets un peu plus. OK. Mais, moi aussi. Sinon, et c'est quelle journée? Habituellement, c'est la fin de semaine, c'est le samedi. Mais là, tu vois, hier, j'ai été invité à souper, puis c'était des pâtes à l'américaine avec beaucoup de crème, beaucoup de fromage. Mm. Je sais pas. Fait que ça a peut-être. Tu l'as peut-être eu hier. Ouais, je m'en vais m'entraîner aujourd'hui pour essayer d'en enlever un peu. Hein. Ouais. Puis toi, Mathieu, c'est quelle journée? C'est samedi. C'est samedi. D'ailleurs, cette semaine, ça va être un brunch de fête pour jouer un peu plus tropique en famille à ma copine, le midi, et puis le soir, des côtes levées. Oh, c'est 24 heures. Fait que toi, Mathieu, j'imagine à minuit et une, ouais. Tu commences à manger. Et se lève. On parle bien sûr de régime et de poids, oui. De surplus de poids. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Simon, tu disais que tu te ferais une salade au jujube et à la vinaigrette en Pepsi rétro. Alors, si j'aurais gagné, là, ça aurait été ça. C'est ça. Si j'avais gagné. Si j'avais... Arc. Mais t'as pas le droit, t'es un employé, là, c'est fou! Ah ouais? Il est où mon chèque? Il est normal. Ouais, c'est envoyé, tu l'as pas reçu. C'est perdu normal, c'est ce que je te dis. Voilà pour le poste d'écoute, en fait, parce que oui, revenons un petit peu en arrière. On vient d'entendre deux pièces de JP Mortier sur l'album JPM003. On a entendu Absolution au début du bloc, et ça, c'était Doppelganger qui vient de terminer. JP Mortier et son nouvel album, autant compositeur de Montréal, comme on le disait. Un produit de sérieux brassage de culture, nous dit-on. Né en Europe, élevé au Québec et ex-résident de Tokyo, il chante des sujets aussi variés que les problèmes des réfugiés, du clonage, d'iguanes lâchées lousses dans les autobus mexicains et comment éviter les yakuza en jouant dans le métro de Tokyo. Oh! Mmh. C'est son troisième album. C'est bien ça? Troisième album? Oui, de JP Mortier. Si vous voulez plus d'informations, c'est myspace.com/Mortier ou encore jpmortier.com. François, Olivier Marchand. Mathieu, Plante. Tout le reste, Tousien à plante. Plante, tout court. J'aime pas tant le Tousignan. Non. Je suis pas attaché à, mettons. Pas... Tousignan, ça ressemble à Touquet. Oui, comme des céréales. Sam le Touquet. Des céréales sucrées. J'aime mieux les bonbons Bigfoot par la Allen Candy Company. Simon fait juste des sons, mec. Ouais. C'est la beatbox. C'est fou, on n'a pas le budget pour se permettre une boîte de sons. Tu sais, comme des subs, des wouhou, des on n'a pas ça. Donc, Simon va faire le soundboard. On s'y croit vraiment, on se croirait sur place. Hein. Mm-hmm. C'est ce que ça fait quand on coupe le café. Hein, ça... T'as coupé ça? Les tuyaux, toi aussi, comme François? Oui, des moins. François, il se plaint tout le temps de ses tuyaux. Il est tout le temps en train de parler de ses tuyaux. Il me semble que c'est un petit peu récurrent et redondant. Mais quand je bois du café, sinon mes tuyaux vont bien. Oui, oui, la tuyauterie est parfaite. Bon, on va l'écouter Hôtel Morphée. On aime ça, des moments comme ça. Voici Danse sur les toits au 89 FM. Hôtel Morphée, la pièce La Rose. Oui, j'ai bien dit la pièce La Rose. Ben oui. La Rose. Simon, bravo, tu gagnes l'Internet. Oui, j'ai gagné contre l'Internet. T'as gagné contre l'Internet. T'as vaincu. Comment ça? Je suis conquérant parce que j'ai mis fin à mon association avec Facebook. Définitivement. OK, t'avais déjà fermé ton compte, t'avais déjà retiré ça. Ouais, mais ton compte reste dormant. Là. Tu peux aller le réactiver quand tu veux. Et là, t'as une fonction vraiment cachée sur le site, très, très loin dans le site où tu peux finalement le dire à Facebook, effacer mes données, mes photos, les amis, je veux plus rien savoir de ça. Exactement. Si tu recommences, là, tu vas recommencer à zéro. Alors qu'un compte dormant, t'aurais récupéré tes amis, c'est ton voir. Là, t'as 14 jours dans le fond. T'as 2 semaines. Si dans 2 semaines, t'as pas du tout, t'es pas retourné, t'as pas activé rien de Facebook, mais là, c'est terminé. Fini. Eh bien, félicitations, tu gagnes. Yeah. Là, t'es sur Twitter maintenant, donc je vois pas vraiment la différence, mais bon. Ben, je vois pas sur Twitter à toutes les heures. Et Facebook, lui, tu pouvais pas te, mettons, je sais pas, contrôler. Non, c'est ça. Non. Et je me fais pas d'ennemis avec Twitter. C'est surtout ce qui est important. Parce que tu parles pas à personne, tu fais que suivre des gens d'intérêt. Exact. Ah, je vois ce que tu faisais. Je vois. Mais je crois que tu pourrais faire la même chose avec Facebook. Mais tu pourrais commenter avec Twitter. Ouais. Tu peux? Ouais. OK, je sais pas, je connais pas vraiment Twitter. Tu fais des replies, des ça passe dans le beurre pas mal, là. C'est... Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est bon. Bref, félicitations encore. Et merci pour ta participation à l'émission d'aujourd'hui, c'est très apprécié. Simon, même si t'es pas fan d'Assemblage Requis sur Facebook, comme la majorité des gens qui nous écoutent, j'espère bien, mais merci quand même. On remercie François Landry qui était pas là aujourd'hui, mais il va être de retour la semaine prochaine. On se retrouve lundi matin à 7h. François, dernier mot. Merci. Un autre. beaucoup. Un dernier encore. Ben là, je vous aime. Ah oui? Tous. Ah ben c'est là que les vraies affaires se disent. Oh. À lundi. À lundi. Hey, soyez là pour le dîner de compte tantôt à 11h et moi je vais être de retour à 13h avec C'était fou. Bye. Salut.